puisque nous avions honte du mot « nègre », eh bien nous avons repris le mot « nègre », lance Aimé Césaire, qui forge au cours de ses discussions avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas le mot de « négritude ». Comment retourner la honte en fierté? Comment sortir de l'aliénation de l'esclavage et de la colonisation par la célébration? Construire et revendiquer une identité et une culture nègre, est-ce le meilleur moyen de lutter contre les effets contemporains de l'esclavage? La parole ce matin est à Aimé Césaire. C'est trop facile pour les Européens de considérer qu'il y a deux choses. Il y a les civilisés et puis les sauvages. Toi, qu'est-ce que tu es un sauvage? Ben oui, mais le sauvage t'emmerde. Bonjour, Cyliane Larcher. Bonjour, Adèle Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci à vous. Vous êtes politiste et philosophe, chargée de recherche au CNRS. Vous avez publié en 2014 « L'autre citoyen, l'idéal républicain à les Antilles après l'esclavage » aux éditions Armand Collin. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin pour parler d'Aimé Césaire que vous venez d'entendre. Justement, l'Aimé Césaire qui revendique haut et fort le sauvage et le civilisé. Le sauvage, c'est celui qui vous emmerde. Est-ce que c'est le Césaire que vous aimez, celui qui se trouve loin de l'image politiquement correcte qu'on en a aujourd'hui et qui est plus du côté de la subversion et de la virulence? Oui, c'est le Césaire impertinent, le Césaire courageux, le Césaire qui cherche à affirmer une subjectivité indépendamment des normes, indépendamment des injonctions sociales, morales et en l'occurrence dans la négritude esthétique. Mais je vais être honnête avec vous, l'extrait qu'on vient d'entendre, bon, il est connu et finalement il est assez représentatif du projet intellectuel de la négritude, c'est-à-dire comme il dit dans ce qu'on vient d'entendre, prendre à bras le corps une injure, une insulte, celle du mot nègre, et la reprendre à son compte pour la retourner vers le dominant, et en l'occurrence dans une logique bien connue des sociologues de retournement du stigmate. Il se définit lui-même, alors il faut bien comprendre, pas tant par l'injure en tant que telle, mais par l'irrévérence et par l'impertinence, et donc une liberté affichée avec insolence, mais quand même, peut-être, on peut déjà le dire, une liberté qui est quand même une réaction à. Donc, et vous trouvez qu'aujourd'hui, on en a l'image trop lisse? Ah oui. plus que lisse. Bon, je vais être franche. Allez-y. Personnellement, je ne me retrouve pas dans le Césaire qui est présenté dans les médias en France hexagonale, et je ne me retrouve pas non plus dans le Césaire qui est exalté dans le discours public en Martinique. Je vais commencer par le premier aspect. Aujourd'hui, Aimé Césaire a dans le discours public quasiment la même place qu'occupe Martin Luther King aux États-Unis. Donc on peut s'en féliciter, considérer que un grand intellectuel français noir est reconnu parmi les héros les héros de plume de la nation française, mais en même temps on nous présente une image d'un Césaire consensuel, d'un Césaire lisse, d'un Césaire dont des personnes aussi éloignées que, je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit, mais que des personnalités comme Nicolas Sarkozy ou même Achille Mbembe ou Leonora Miano peuvent réclamer, alors que les trois figures que je viens de nommer n'ont absolument pas du tout le même rapport à Césaire, bien évidemment, ni intellectuellement, ni politiquement. Et du coup, se saisir de la bonne conscience, de la bonne conscience métropolitaine m'agace. Donc c'est le Césaire de la prochaine station de métro à Aubervilliers, c'est le Césaire... Ah c'est vrai, c'est oui, le projet, oui. Ah oui. Oui, oui, je pensais même qu'elle existait déjà, mais j'ai vérifié, elle n'a pas encore été inaugurée. C'est le Césaire des MJC, c'est le Césaire... Alors, des lieux publics, c'est important, surtout dans un contexte où la question des présences issues de l'ancien empire colonial français dans l'espace public fait débat. Mmh. Mais finalement, j'ai l'impression que Aimé Césaire est une espèce de figure alibi qui permet d'attester d'une prise en compte d'une relation avec cet ancien empire, mais en gommant toute la puissante critique du racisme et du colonialisme qu'on retrouve chez Aimé Césaire. C'est toujours le problème aussi d'essayer de perpétuer ou d'être fidèle à une pensée. Dès qu'on en fait un monument public au sens métaphorique du terme, on perd de côté la spécificité de sa pensée. C'est un peu le lot commun des hommes qui sont restés dans l'histoire, oui, et des femmes. Oui, c'est vrai. Mais pour continuer sur ce que je vous disais et sur ce que j'observe depuis très très longtemps quand même maintenant, dans le discours public, je vais pas dire antillais, mais martiniquais, parce que c'est ce que je connais mieux, c'est un discours auquel je suis habituée, on a une hagiographie extrêmement, personnellement, que je trouve pesante, au sens où Césaire est déifié, Césaire... j'ai même entendu dire par des personnes tout à fait sérieuses que Césaire était aujourd'hui une véritable boussole pour la jeunesse. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'actualité de la pensée de Césaire, mais ce que je veux dire, ce rapport à... Moi, quand j'entends cette idée d'une boussole, je me dis qu'il n'y a de boussole que pour des sociétés qui se pensent déboussolées et que considérer qu'il faille une figure tutélaire, une espèce de figure d'intellectuel démiurge, d'intellectuel pastoral qui guide une voie me semble en même temps révéler les difficultés d'une société à penser l'hétérogénéité d'une pensée, ses contradictions, ses nuances, mais aussi certainement ses impasses, ses limites. Et puis, n'y a-t-il que comme seul passage obligé sur le plan de la production de la pensée que cette référence. C'est ça que j'entends dans la société martiniquaise, comme référence tant sur le plan de la production de la pensée, donc sur le plan intellectuel et peut-être littéraire, mais aussi sur le plan de la pensée politique. Et en même temps, je vous dis ça, donc ça fait partie du Césaire convenu, de l'espace public martiniquais. Et en même temps, Césaire est quand même contesté, attaqué par ceux qui ont été déçus de ses choix politiques. Peut-être qu'on en parlera. Oui. Mais en tout cas, c'est une statue tutélaire. C'est une figure... oui, déifié. si vous le connaissez bien aujourd'hui, Cyliane Larcher, c'est aussi vous avez dû le rencontrer à un moment et travailler sur lui avant de pouvoir émettre des critiques à l'égard de son travail. Comment s'est passé pour vous cette rencontre ? Alors, plusieurs choses et de manière complexe. Ce matin, là, je veux être quand même bien comprise. J'interviens. Je ne pense pas être une spécialiste de Césaire au sens d'une spécialiste de sa littérature dans son exhaustivité. Je vais être très claire. Par contre, j'ai lu Césaire depuis très très longtemps. Ma première rencontre avec Césaire date de quand j'étais lycéenne. J'ai eu la chance d'avoir un professeur au lycée Schœlcher où Césaire avait lui-même été professeur et où la salle des profs s'appelle salle, en tout cas elle s'appelait salle Aimé Césaire. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. Donc j'ai eu la chance d'avoir un prof qui en classe de seconde nous avait donné, donc ce que je vous raconte là c'est au milieu des années 90, nous avait donné à lire le cahier, que je ne comprenais pas du tout, que j'ai relu plus tard toute seule, et aussi que j'ai relu en entamant mes études supérieures ici à Paris. Donc c'est un texte qui m'a nourrie parce que il m'interrogeait sur le... Donc le cahier, c'est le cahier d'un retour au pays natal, exactement, qui date de 1939. Exactement. C'est une œuvre notamment littéraire dingue quand oui, même. Bien on va sûr. En entendre des extraits, elle est sublime. C'est incontestable. Je l'ai relu là pour l'émission. Il y a des passages d'une force, d'une fulgurance qui conserve une saveur unique. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est ce Césaire-là que j'ai d'abord rencontré. Et puis, à cette même période, dans ce que je vous raconte là, je dois avoir, je sais pas, 19 ans à ce moment-là, je lis aussi le discours sur le colonialisme. Texte dont je considère qu'il conserve en grande partie, enfin encore aujourd'hui, une grande actualité. Donc 1950, discours sur le colonialisme, oui, dans lequel il dresse est publié en 1955. Le procès de la civilisation européenne. Et de la colonisation. Ouais. Et puis, pour tout vous dire, là encore, j'ai eu de la chance, j'ai eu un professeur de philosophie en maîtrise à l'université Paris 1 qui a accepté à l'époque que je fasse un mémoire sur un corpus non philosophique et donc sur un corpus qui était celui des principaux auteurs antillais qui s'affrontaient à la question de l'identité. En l'occurrence, donc, dans ce corpus, il y avait Césaire, Fanon, Glissant et les textes théoriques, mais aussi la littérature, donc les romans des créolistes. Et ce mémoire portait sur les liens entre identité personnelle et identité politique dans ces textes. Donc, à partir d'un appareil théorique philosophique, j'interrogeais un corpus non philosophique. Et puis, plus tard, je dois dire, je suis revenue plus régulièrement au discours sur le colonialisme et aussi à un autre texte moins connu, publié en 1987, enfin prononcé en 1987, qui s'appelle Le discours de la négritude, qui est une conférence que Césaire prononce à l'université de Miami. Et puis, chemin faisant, durant ce parcours d'études, voilà, les quelques recueils de poèmes, Les armes miraculeuses, Ferment, et dans le théâtre de Césaire, deux pièces que j'aime beaucoup, La tragédie du rat Christophe, qui est très connue, mais j'ai une sympathie particulière pour Une tempête, parce que je trouve qu'elle fait réfléchir à la dimension, psychologique, mais je dirais même à une espèce de rapport. On pense à la phénoménologie de l'esprit de Hegel quand on voit la pièce. Enfin, c'est comme ça que moi je la lis. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène de la confrontation entre deux consciences, une conscience servile et une conscience du côté de la maîtrise, dans cette pièce qui est une réécriture du texte de Shakespeare. C'est ça, la tempête de Shakespeare devient Une tempête pour un théâtre nègre. C'est le sous-titre cette pièce de Césaire. Donc voilà, quelques textes un peu épars. Mais là, si vous voulez, je vous dis comment la lecture de Césaire a accompagné une construction personnelle, intellectuelle et aussi un parcours de jeune martiniquaise à Paris. Mais alors justement, on a 50 minutes ensemble ce matin, Céliane Larcher, pour essayer de comprendre à la fois, enfin de présenter l'œuvre de Césaire, qui n'est pas connue aux yeux et aux oreilles de tout le monde, et de comprendre votre position par rapport à ce travail, à cette œuvre et à sa postérité. Je vous propose qu'on commence en écoutant un extrait du cahier d'un retour au pays natal. Ceux qui ne l'ont jamais lu ou jamais entendu, voici à quoi ressemble la plume d'Aimé Césaire, ici lue par Denis Podalydès. Ce qui est à moi, c'est quelques milliers de mortiférés qui tournent en rond dans la calebasse du Nil. Et ce qui est à moi aussi, l'archipel arqué comme le désir inquiet de se nier, on dirait une anxiété maternelle pour protéger la ténuité plus délicate qui sépare l'une de l'autre Amérique. Et ces flancs qui sécrètent pour l'Europe la bonne liqueur d'un Gulf Stream et l'un des deux versants d'incandescence entre quoi l'équateur funambule vers l'Afrique. Et mon île non clôture, sa claire audace debout à l'arrière de cette Polynésie, devant elle, la Guadeloupe fendue en deux de sa raie dorsale et de même misère que nous. Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité, et la comique petite queue de la Floride où d'un nègre s'achève la strangulation, et l'Afrique, gigantesquement chenillant jusqu'aux pieds hispaniques de l'Europe, sa nudité, où la mort fauche à larges andins. Et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco, pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi ? Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama. Putréfaction monstrueuse de révolte inopérante. Marais de sang putride, trompettes absurdement bouchées, terre rouge, terre sanguine, terre consanguine. J'avoue ne pas aimer tous les jours le mot négritude, même si c'est moi, avec la complicité de quelques autres, qui ai contribué à l'inventer et à le lancer. Mais il ne faut pas que le mot nous égare. En fait, la négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire, des groupes qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés, insultés et opprimés. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. S'affranchir, c'est le thème de notre série d'émissions cette semaine à l'occasion d'une programmation spéciale de la chaîne France Culture autour des mémoires de l'esclavage. Et on parle ce matin d'Aimé Césaire en compagnie de la philosophe Cyliane Larcher. Vous avez entendu un extrait donc du cahier d'un retour au pays natal suivi d'une archive d'Aimé Césaire. C'était le 1er janvier 1981, dans lequel il revient sur ce thème de négritude dont on entend déjà les prémices dans cet extrait du cahier. Et peut-être revenons là-dessus, Cyliane Larcher, dans cet extrait qui est assez bouleversant. Enfin, en tout cas, écoutez, je le trouve vraiment très, très, très puissant. Il produit quelque chose, y compris sur le plan sentimental, je trouve, qui est assez fou. Et on entend une première idée, on la devine, ou on peut la pressentir. Quand il parle de la négritude, il prend soin d'englober, il cite des villes qui se trouvent partout sur la planète, comme s'il avait l'envie d'une forme d'universalité de la négritude, ce qui semble, au premier abord, paradoxal. Alors, il y a deux choses. Avant de venir à la question de l'universalité, et en plus on peut commenter aussi l'extrait qui suit, voilà, la lecture des pages du cahier. L'extrait dont vous dites qu'il date de 1981 est repris dans la conférence de 1987, le discours sur la négritude. Quand on lit le cahier, la plupart des lecteurs sont unanimes à s'exclamer d'admiration devant le lyrisme de la langue, la force des mots. Il y a une Césaire d'emblée aborde un rapport. Il subvertit la langue, et dans cette subversion de la langue, il y a comme l'idée que d'écrire une expérience humaine originale, celle de la traite et de ses legs historiques et culturels en particulier, dépasse un récit un récit, on va dire, ordonné, qui serait celui d'une espèce d'analyse, de retour réflexif sur l'histoire ou de méditation de l'histoire. On a plutôt un rapport à... En tout cas, c'est comme ça que je lis le poème. Il y a une lutte psychique, il y a une lutte avec les émotions que la réflexion sur le passé, le retour sur le passé induit pour ce jeune Martiniquais qui écrit. Il faut quand même s'en rappeler, quand Césaire écrit le cahier, il a une vingtaine d'années. En 1939, il a 26 ans et il a déjà donc ça c'est la première version qu'il publie dans une revue littéraire, mais il a déjà travaillé au texte depuis au moins 3-4 ans. Il me semble 1936, si je ne me trompe pas, mais dans le poème, je crois que la force de la langue Le choix qui est fait d'exprimer des émotions personnelles qui ne sont pas qu'individuelles, mais qui rendent compte d'une expérience historique partagée, en l'occurrence avec les peuples appelés des diasporas noires ou des diasporas africaines dans les Amériques, me semble manifester comme une espèce d'éveil d'une conscience transatlantique. En tout cas, en reprenant le texte récemment, c'est comme ça que je l'ai lu, et je ne l'avais pas vu comme ça il y a quelques années. Il y a quelques années, je n'avais pas non plus lu des auteurs comme Paul Gilroy, par exemple, qui m'ont... En tout cas, je crois que le cahier est le choix poétique de donner à voir et de donner à entendre l'émergence d'une subjectivité, pourquoi je dis transatlantique, qui s'inscrit dans un dialogue d'emblée entre Afrique, Europe et Amérique au pluriel, les Caraïbes. Et la seule manière de nommer cette triangulation, à la fois historique, mais cette espèce de synthèse d'une conscience de soi qui se dit par la poésie, c'est de revenir sur le voyage du bateau, donc les milliers de corps et d'âmes dont parle le poème, mais aussi de donner à voir les lieux où sont incarnées cette conscience appelées conscience nègre, qui sont des villes des États-Unis, des lieux de la Caraïbe, et en l'occurrence des Antilles françaises. Dans l'extrait qu'on entend, il parle de la Guadeloupe et également d'Haïti. Haïti où la négritude se leva, se mit debout pour la première fois. Il y a quelque chose qui est important aussi, que j'ai pas évoqué tout à l'heure en parlant des textes importants, à mon sens, de Césaire, c'est la place qu'occupe Haïti dans la réflexion d'Aimé Césaire, tant sur le plan du symbole, la première République noire, mais sur plan aussi politique. Et donc Haïti devient la première République noire en 1804. Oui, c'est ça. L'histoire raconte que c'est grâce à la révolte menée par Toussaint Louverture, auquel Aimé Césaire a consacré un texte. Exactement. C'est toute la question de savoir si c'est grâce à Toussaint Louverture ou s'il y avait d'autres personnes derrière. Alors, on a le temps de... Ah ben je vous en prie, vous êtes là pour ça. Sur cette question, là, c'est pas l'histoire raconte. L'histoire, en tout cas, devrait raconter davantage, si j'ose dire. Et pourquoi la référence à Haïti est centrale et elle est importante? Je crois que là, et c'est le Césaire, on va dire, historien, parce que le livre sur Toussaint Louverture n'est pas vraiment une biographie. Le sous-titre, c'est « La Révolution française et le problème colonial ». C'est une histoire de la Révolution française à partir de l'expérience de Saint-Domingue devenant Haïti. C'est ça l'effort de Césaire dans le livre. Il a consulté beaucoup d'archives, il s'inscrit, on peut dire aussi, dans une tradition déjà naissante. Le livre est publié en 1960, mais Césaire n'est pas le premier à poser ce regard-là sur la révolution haïtienne. Il vient à la suite d'un auteur caribéen important qui s'appelle C.L.R. James, Cyril Lionel, le R, je sais plus ce que c'est, j'ai oublié, on m'excusera. James, un historien marxiste trinidadien, qui écrit Les Jacobins Noirs. Et le texte de Césaire a été lu, et je pense qu'il doit être lu aussi comme ça, comme une contribution à cette historiographie matérialiste sur la Révolution française. Mais le plus important qu'il faut dire, pour faire le lien entre cette expérience transatlantique et son héritage politique, la révolte des esclaves insurgés de 1791, du 22 août, va amener à la naissance de l'État haïtien en 1804. Avant d'y conduire, on va dire, elle va y amener non pas de manière nécessaire, mais de manière pleinement historique, c'est-à-dire accidentelle en raison des circonstances, notamment un sujet qui dérange encore le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Pourquoi Toussaint Louverture est si important? Et dans le cahier, si je ne me trompe, le nom de Toussaint Louverture revient au moins deux ou trois fois. Toussaint Louverture représente cette expérience triangulaire, c'est-à-dire l'ancien esclave déporté qui a connu le statut d'esclave, qui a été affranchi, qui savait lire grâce à l'éducation qu'il a reçue auprès de son maître, mais qui s'est révélé être un habile militaire, un tacticien rusé dans la manière de prendre la main entre guillemets. Donc bien évidemment il n'est pas isolé, mais de prendre la main des mouvements militaires des insurgés d'abord, puis des hommes embarqués dans les troupes dites patriotes. Mm-hmm. Contre les Anglais et les Espagnols, puis aux côtés des Français. Et c'est Toussaint Louverture qui, porteur de cette insurrection, si vous voulez, accule les autorités métropolitaines dès 1793, en août et en octobre, à abolir l'esclavage dans la partie nord et la partie sud de Saint-Domingue, puis à entériner en 1794 cette décision à l'Assemblée nationale sous la Convention. En disant ça, il faut comprendre aussi la force de Césaire, qui est de comprendre, je crois que c'est le premier auteur français, et là on peut là il faut l'entendre comme un historien, le premier historien français à dire que, et à écrire dans ce livre dont j'ai parlé, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mmh, trouve sa véritable actualisation, sa véritable concrétisation du fait de l'intervention d'esclaves exclus du drame révolutionnaire parisien dans ce drame, donc par leur irruption dans ce drame et leur subjectivation politique du fait d'imposer par l'affrontement militaire une décision parisienne entérinée en deuxième lieu une décision d'abord sur le sol de Saint-Domingue, ensuite entérinée à Paris, et de prendre la mesure de ce que ça dit, des contours de l'universalisme républicain et de la radicalité de ce que comprennent des esclaves qui prennent au mot le sens d'une déclaration des droits de l'homme qui dit que les hommes naissent libres et égaux en droit et qui eux-mêmes sont dans les fers. Donc rectifier un faux universalisme, rectifier une règle qui n'est pas traduite dans les faits par l'action politique, par la lutte, et par la lutte des corps, par la lutte armée, par au prix de la vie. Césaire prend ça au sérieux et remet Toussaint Louverture au centre de l'écriture d'un récit de la Révolution française dans ce livre. Il le dit bien, il dit où est la part de Toussaint Louverture dans tout cela. Sa part, c'est tout le domaine qui sépare le seulement pensé de la réalité concrète, le droit de son actualisation, la raison de sa propre vérité. Quand Toussaint Louverture vint, ce fut pour prendre à la lettre la Déclaration des droits de l'homme, ce fut pour montrer qu'il n'y a pas de race paria, qu'il n'y a pas de pays marginal, qu'il n'y a pas de peuple d'exception. Le combat de Toussaint Louverture fut ce combat pour la transformation du droit formel en droit réel, le combat pour la reconnaissance de l'homme, et c'est pourquoi il s'inscrit et inscrit la révolte des esclaves noirs de Saint-Domingue dans l'histoire de la civilisation universelle. C'est donc écrit dans son livre sur Toussaint Louverture, La Révolution française et le problème colonial, 1960. On retrouve le mot d'universel avant d'aller plus loin, Sylviane Larcher. Oui, oui. Commentons, voilà, c'est pas la première fois qu'il emploie ce terme. Exactement. Et je reviens à ce paradoxe apparent en tout cas. Comment est-ce que lui appelle la négritude peut revendiquer une part d'universel? Alors, chez Césaire, il y a, et c'est régulier autant dans le poème, dans le cahier, que dans des textes plus politiques, notamment dans le discours sur le colonialisme, et aussi dans une lettre, la lettre à Maurice Thorez, qui est sa lettre de démission du Parti communiste français. Césaire insiste sur la dialectique entre le particulier et l'universel. Et même dans c'est l'approfondissement du particulier qui, dit-il, amène à l'universel. Dans la lettre à Maurice Thorez, il explique qu'il considère qu'il y a deux manières de se perdre par ségrégation murée dans le particulier ou par, j'ai oublié la suite de la citation, mais par dilution dans l'universel, et il met des guillemets à universel dans cette occurrence du mot universel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, c'est ça. Je cite ce que vous dites, il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Exactement. C'est exactement ce que vous avez dit. Et en fait, l'universel avec des guillemets sous-entend un faux universel. Et donc, l'universel n'est pas, et ça c'est intéressant pour nous, ne peut se réduire à une dimension proclamatoire. Il y a dans l'universel, tel que Césaire le comprend, un mouvement vers sa propre actualisation. Ce mouvement-là passe par l'histoire, passe, si on le prend au sérieux, dans les différents textes où finalement il s'en explique, ça passe par la lutte, ça passe par la visée du partage, de la reconnaissance à part égale des différences, et donc des fameux particuliers dont il ne s'agit pas de se murer en leur sein. Si vous voulez, l'universel d'Aimé Césaire est un rapport au monde qui rend possible non seulement la coexistence, mais l'interrelation, on pourrait dire peut-être dans un vocabulaire un peu glissantien, entre des expériences singulières, entre des singularités qui ne sont pas définies de manière essentialiste dans leurs différences, mais qui font lien parce qu'elles sont des différences interreconnues ou des différences qui se posent comme telles d'égal à égal et qui crée le monde. La vocation de l'universel chez Césaire n'est pas d'instituer d'une manière normative ce que devrait être un universel qui serait une norme à laquelle des différences devraient coller, et qui est, si on y réfléchit bien, une forme de monisme ou d'uniformisme. Ouais. Mais l'universel est le rapport au monde qui pose comme tel, en acte, la coexistence des différences qui sont d'égale dignité entre elles. Oui, mais le mot de négritude semble justement atténuer cette notion d'universel. Alors, exactement. Oui et non, c'est-à-dire, de quelle négritude parle Césaire? Mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui va lui être renvoyé régulièrement, qui a été plus fermement opposé à Senghor. Je crois en fait qu'il faut comprendre, et ça, c'est peut-être pas assez, on prend peut-être pas assez la mesure de l'acte qui consiste à prendre l'insulte, se définir soi, mais il faut bien comprendre que cette définition de soi, en fait, est le temps d'une affirmation de soi, d'une subjectivation, mais la négritude, elle est reliée au monde. Même si vous avez des textes quand même qui sont un peu plus complexes, parce que parfois Césaire revient sur ce qu'il a écrit dans des interviews données à des journalistes et il reprécise, il corrige. Parfois, il tombe aussi dans des formes de chausse-trappe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la négritude est d'abord la prise en compte d'une situation historique et culturelle qui est la réalité d'un racisme colonial prégnant dont il a fait lui-même l'expérience dans les années 30 en France hexagonale. Mais si on y réfléchit vraiment profondément, je pense qu'il faut comprendre d'abord que la négritude telle qu'elle émerge ne peut pas être simplement limitée à ce seul contexte des années 30. Et je crois que c'est là la force quand même de cet acte et de cette proclamation d'une identité qui ne veut pas se définir par une essence, même si quand même on voit quand même parfois des limites dans certains textes. Il faut quand même comprendre deux choses. Et c'est là la force, je pense, à la fois dans le rapport au langage, dans le geste politique, dans ce rapport-là au langage, c'est de prendre acte de plusieurs choses. D'abord, le mot nègre a une histoire intimement liée à l'histoire, intimement liée à l'histoire de la traite, mais il faut se rendre compte que le mot nègre a d'abord voulu désigner dans la langue française, très tôt, dès le XVIIe siècle, d'abord l'Africain, l'homme d'Afrique. Mais si vous vous replongez dans des dictionnaires historiques de la langue française, très vite, dans cette définition de l'habitant d'Afrique, de l'Africain, vous avez des caractérisations de cet Africain extrêmement péjoratives. La première étant la laideur, la deuxième étant la barbarie et la troisième étant l'infériorité intellectuelle. Ensuite, dans le temps, et là je pense à un dictionnaire qui date je crois de 1732, le dictionnaire du Trévoux, qui on est déjà au début du 18e, qui pose la synonymie entre nègre et esclave. Autrement dit, ce mot nègre, il a une dimension tautologique au sens où il définit une identité anthropologique qui est celle de l'Africain, mais il définit aussi un statut social, une condition sociale, celle de l'esclave. Prendre acte de la force, de la longévité de cette acception dans le langage, dans les représentations sociales des Africains en Europe, du poids de ces représentations sociales dans la culture européenne. Et c'est là où c'est de là que vient la colère et aussi la perplexité profonde qui est à l'origine du cahier d'un retour au pays natal, et même avant des réflexions de Césaire et de Senghor et de leurs amis autour de la revue L'étudiant noir. C'est de prendre acte d'une réalité, et Césaire le dit, d'une réalité culturelle, qui est celle que le racisme colonial irrigue des représentations culturelles en Europe, mais qu'elle détermine l'identité sociale des personnes d'ascendance africaine en Europe et hors d'Europe. Du coup, ce mot-là... C'est le mot culturel qui est très important. Oui. Et biologique ou que sais-je encore. Exactement. C'est une réalité culturelle, et du fait du poids de cette culture, de son caractère pesant, Césaire n'utilise pas le mot noir, même si la revue s'est appelée L'étudiant noir. Au départ, Césaire voulait l'appeler L'étudiant nègre, mais paraît-il que des étudiants antillais trouvaient le mot trop péjoratif, et le choix a été fait d'appeler la revue L'étudiant noir. Le choix du mot nègre est donc parfaitement pensé, c'est-à-dire c'est renverser symboliquement et en ce sens politiquement dans la langue l'ampleur d'une réalité de discrimination, d'une réalité de dégradation dans la relation entre les cultures, d'infériorisation, pour placer dans le débat public, placer dans la culture, et là, entendons-nous bien, pas seulement la culture européenne, dans la culture universelle, la participation des cultures dites nègres, donc des cultures africaines au pluriel, d'Afrique, du continent, mais aussi des Amériques noires, pour reprendre une formulation de l'anthropologue Roger Bastide, dans la réflexion des intellectuels du début du XXe siècle sur la culture de l'honnête homme, sur les références esthétiques dominantes en Europe, et donc créer un espace non seulement de dialogue, d'interaction, mais d'égal à égal entre des cultures délégitimées, disqualifiées et une culture européenne dominante. Donc, il y a une tension dans ce geste qui est l'affirmation d'une identité effectivement par la différenciation d'une identité culturelle, on l'a compris, d'une identité anthropologique et je dirais même d'une identité anthropo-ethnique, puisque c'est le groupe des Africains, mais vous l'aurez compris, la couleur aussi, qui est un enjeu de la discussion. Mais la vocation de cette position originelle, enfin le but de cette position originelle, est de rendre vivable, c'est-à-dire concret, historique, la relation entre les cultures. Alors voilà ce que lui objecte par exemple Édouard Glisson. En ce qui me concerne par exemple, j'étais passionné des poèmes de Césaire et j'étais toujours un petit peu réticent sur la théorie de la négritude. Non pas que je me considérais comme non nègre ou comme pas du tout, mais je disais que la théorie de la négritude, dont il faut souligner l'importance historique, était peut-être une théorie trop généralisante. Un noir du nord du Brésil ou un noir du Cap-Vert ou un noir de la Martinique, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'il y a des différences auxquelles nous avons droit et que c'était peut-être pas une bonne chose que d'égaliser cela par une théorie générale de la négritude. Ça vous fait sourire, Sylviane Larcher? Oui, deux choses. Ça n'est pas la première critique qui a été opposée à la négritude de Césaire. En tout cas, on peut même considérer que c'est la deuxième critique antillaise, puisqu'il y a une première critique très célèbre, donc je dis antillaise, martiniquaise, plus spécifiquement. La première étant celle de Fanon, qui me semble importante. Je vais revenir sur ce que Glisson dit là, parce que dans ce que Glisson dit là, il est en train d'opérer un travail que je situe dans un travail que des penseurs caribéens, notamment haïtiens, je pense à des gens, bon là c'est parce que j'ai une sympathie pour lui, en particulier René de Pestre, écrivain haïtien, ont engagé, mais qu'on peut retrouver dans des réflexions, ou tout au moins dans une littérature caribéenne, ou d'Amérique du Sud, je pense à un écrivain brésilien comme Jorge Amado, qui cherche à situer l'héritage africain dans l'espace des Amériques. Mais avant, il y a quand même... Et cette critique, elle est importante. La première critique de Fanon est de considérer, en fait, et de retrouver par là, une critique également émise par Sartre, que la négritude est un temps faible d'une dialectique. C'est l'expression qui est utilisée par Sartre et qui est reprise par Fanon dans Peau noire, masque blanc. C'est-à-dire, c'est le temps, si vous voulez aller pour parler en termes hegéliens, d'une position de la conscience de soi qui se pose comme telle, mais qui, dans ce moment-là de la position de la conscience, se pose par rapport à. Et du fait de se poser par rapport à, reste une figure négative de la conscience de soi, c'est-à-dire une contre-conscience, si on pourrait dire, elle reste enfermée dans cette négativité de la dépendance de rapport à un tiers qui est l'autre, qui est là, qui est du coup dépendante de la relation de reconnaissance avec cet autre. C'est ce dont on parlait hier, la dialectique maître-esclave avec Olivier Tinlan. Oui, ouais. je vous ai entendu. Ah ben voilà. partiellement. Donc, Fanon considère que ce temps est important. Ce premier temps de étape. Exactement, parce que il prend la mesure de l'héritage historique et culturel dont on a parlé à l'instant. Mais pourquoi c'est une étape et qui elle doit être dépassée? Je crois même que dans la formule qu'il reprend de Sartre, il dit qu'elle est un passage et non pas une fin ultime. Le problème de cette identité qui se définit non seulement dans la dépendance à un tiers, mais elle se définit aussi, et là c'est quelque chose que je trouve spécifique sous la plume de Fanon, c'est qu'elle se définit aussi par un inventaire des héritages, un inventaire des prédicats, des cultures nègres en l'occurrence. Elle exhibe le merveilleux du passé africain médiéval, le merveilleux des civilisations nègres exhibées par un anthropologue allemand, Léo Frobenius, qui a une grande importance dans l'essor de la négritude et plus tard dans le travail que va poursuivre l'égyptologue sénégalais Chikanta Diop. Pour Fanon, cette identité-là reste une identité quand même aliénée au sens où aliénée au sens culturel, au sens où elle n'assume pas pleinement sa liberté de sujet, dans la mesure où elle définit sa subjectivité à la fois dans la relation à un tiers et aussi dans du fait de cette espèce d'inventaire des trésors culturels, des trésors. Ça, c'est la position de Fanon. Oui, pas dite comme celle-là, mais on la retrouve notamment dans la conclusion de Peau noire, masque blanc que je n'ai pas apporté avec moi. On parlait de Frantz Fanon, mais, on a consacré toute une série d'émissions le mois dernier, on est venu là-dessus. Alors peut-être parce que le temps presse malheureusement, l'objection d'Edouard Glissant, c'est ça qui est intéressant. Alors, on a entendu qu'il semblait dire, mais le problème avec la négritude, c'est qu'on fait comme si tous les noirs étaient les mêmes, en gros. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais alors le noir du Brésil n'a rien à voir avec le noir antillais, avec le noir africain, etc. C'est une objection qui s'entend. Oui, et qui a été parfaitement entendue, et qui traduit aussi un mouvement dans la réflexion des intellectuels afro-caribéens, dans leur critique de la négritude. La difficulté de Glissant, et qui va aussi être celle d'autres auteurs comme ceux de les tenants de la créolité, c'est finalement que la négritude ne nomme pas les lieux concrets, les lieux vécus des Caribéens. Et là, je pense même si Glissant est considéré comme un penseur de l'antillanité, je crois que Glissant va bien au-delà de ce qui est appelé l'antillanité. Césaire définit Glissant définit la culture, les cultures caribéennes comme des cultures d'afro-caribéens, c'est-à-dire de sujets, certes, de manière décisive, façonnés par les héritages africains et l'expérience de la traite, mais aussi par une manière de s'approprier leur lieu, leur entour, la géographie des Amériques, des Caraïbes, le croisement, le caractère mêlé des cultures amérindiennes qu'on retrouve dans les Caraïbes et aussi en Amérique du Sud, je dis pas Amérique latine, je dis bien Amérique du Sud, et aussi sur le sol en partie états-unien. Il y a là, dans ce qu'on vient d'entendre chez Glissant, l'idée que la négritude ne va pas assez loin dans ce qu'elle propose, même sur le plan de la réflexion des identités anthropologiques, parce que elle nivelle, elle homogénéise. Elle est trop large, exactement, au fond. Exactement. Elle est un habit trop large et trop abstrait, parce que cette critique va venir aussi sous la plume de Glissant. Elle est trop abstraite quant à la réalité du caractère mosaïque, composite de la réalité anthropologique des cultures afro-brésiliennes, afro-cubaines, afro-caribéennes. Et qu'est-ce que Césaire aurait répondu à ça? Enfin, c'est toujours difficile, alors, délicat de faire parler. Il a fait des réponses. Bon, bah alors dites-nous. Il a fait des réponses. Alors, je vais vous dire. Ça fait un écho au débat contemporain, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Quand on parle, du racisme anti-nord, du racisme anti-nord, on dit, ben non, mais en fait, c'est pas tous les mêmes. D'accord. Alors, voilà, comment on s'en sort? Mais, Césaire dit bien qu'il n'exclut pas, et ça, je crois que c'est aussi dans le discours sur la négritude, mais aussi dans des interviews qu'on peut retrouver, je pense, sans doute dans la biographie qui vient de sortir. Oui, tout à fait. Le Cora Véron, aux éditions du Seuil. Fascinante. Césaire répond qu'il n'a pas exclu ces réalités de la construction des cultures noires caribéennes. Cependant, et c'est là où il réaffirme quand même la pertinence du projet, il prend acte des effets sociaux et culturels d'un racisme fait aux personnes assignées noires. Et si vous voulez, il ne crée pas, je crois qu'il n'y a pas pour lui une contradiction entre le caractère composite, il dit bien des cultures nègres, du caractère composite de ces formations anthropologiques caribéennes ou des Amériques noires, et un fait mondial qui est celui du racisme anti-noir, qui lui-même nie par définition l'hétérogénéité des identités, non seulement culturelles des personnes assignées noires, mais il faut aller au bout de la logique, des identités tant individuelles, singulières. Autrement dit, le racisme anti-noir est celui qui est le racisme, comme tout racisme, qui interdit le droit à la subjectivité. C'est qui ça. Interdit. La généralisation est du côté du regard raciste. Oui, exactement. Et le faux universalisme, on y revient. La généralisation est du côté du racisme anti-noir, qui ne rend pas possible qui ne rend pas possible l'essor de la subjectivation, de l'individuation, et qui, sous prétexte de prétendre nommer une différence, la pulvérise, ouais, dans cette néantisation qu'est la généralisation de la parole raciste, de la pensée raciste. Qui est aussi une forme d'essentialisation, d'ailleurs. Exactement. Il nous reste 1 minute 30, Liane Larcher, malheureusement, on a encore tellement de choses à dire, mais je voudrais bien comprendre, avant de terminer cette discussion, vous avez commencé justement l'émission, enfin je vous invite à le faire, en émettant quelques réserves par rapport à la place qu'occupe Aimé Césaire aujourd'hui dans le paysage à la fois martiniquais mais aussi intellectuel. Est-ce que vous voulez préciser votre position? Il reste peu de temps pour le faire, mais je voudrais vraiment comprendre. Alors, ce que je veux dire, bien évidemment, je ne dis pas qu'il y a à exclure Césaire du débat public intellectuel sur la question, sur les questions qui d'ailleurs agitent la société française, ouais, celle du passé colonial, celle de la mémoire de l'esclavage, mais aussi celle des racismes. Par contre, ce qui me semble particulièrement gênant, il y a deux choses. La première, c'est en déifiant un personnage, en faisant de sa production textuelle une espèce de catéchisme derrière lequel on se réfugie, ben on évite de penser avec et de penser contre. Mmh. On évite de discuter des textes. On évite aussi, d'une certaine façon, je crois, d'interroger les impasses historiques et sociales d'Aimé Césaire lui-même et d'examiner dans quelle mesure ces impasses-là interrogent notre présent. Et là, moi, en disant ça, je pense à la manière dont le débat politique martiniquais et là antillais, martiniquais et guadeloupéen, est embourbé depuis de longues années dans des impasses sur les questions, une impasse dans les questions statutaires, dans un débat sur la question de l'indépendance et de l'autonomie. D'une certaine manière, et là je vais peut-être pas me faire des amis, Césaire a contribué à cette impasse, mais je vais pas être trop... Il a œuvré pour la départementalisation. C'est pas là où je vais en revenir. Je pense, et là dans le livre qui vient de sortir de Cour Aveyron, on a des choses très intéressantes. Césaire est celui, est l'homme du discours sur le colonialisme, d'un discours d'une puissance extrême, et en même temps, il est celui qui déclare dans le débat public martiniquais le moratoire sur la question de l'accès à l'indépendance ou à l'autonomie. Le moratoire étant une suspension d'un débat sur cette question. Et ça, il décide de ça en 1982, après l'élection de François Mitterrand. Et jusqu'à maintenant, cette question continue de faire débat parmi la classe politique martiniquaise. Mais ce qu'il faut quand même entendre... Allez-y, ce sera le dernier mot. Et là, je vais être nuancée sur l'impasse. C'est que Césaire fait le constat d'une société martiniquaise majoritairement de droite. En 81, à près de 80%, les électeurs martiniquais ont élu Giscard d'Estaing, pas Mitterrand. Le parti d'Aimé Césaire lui-même décide par un vote démocratique consensuel de voter Mitterrand et obtient ce vote à une voix. Donc, je crois que dans ce choix, il y a une espèce de choix de lucidité, certainement, mais en même temps, je crois que cette décision, et là, en tout cas la situation actuelle du débat depuis cette décision, est révélatrice aussi de la position d'Aimé Césaire devant une société qui, on a parlé beaucoup d'identité, qui débat beaucoup de l'identité comme somme d'héritage, qui débat de l'identité comme une espèce de galerie des réussites, des héros, des qualités, donc une identité prédicative, mais qui ne questionne pas l'orientation de la conscience de soi à travers un horizon d'action, à travers des actions, à travers des visées, et en l'occurrence des visées politiques. Donc le débat est extrêmement pauvre. Et là, je crois qu'il y a aussi les difficultés de Césaire qui ont une actualité pour nous, non pas au sens où il nous apporte des réponses, je ne crois pas, mais il nous apporte plutôt des problèmes et des questions qui peuvent faire écho à une situation contemporaine. Merci beaucoup, Céliane Larcher. On est en retard, du coup, je suis obligée de vous presser, mais c'était passionnant de vous entendre ce matin, et j'espère que vous reviendrez déployer ces nuances qui sont si précieuses. Vous l'avez signalé, j'ai plaisir à le faire, donc la biographie d'Aimé Césaire, publiée au Seuil par Cour Aveyron, le cahier d'un retour au pays natal, on le trouve aux éditions Présence Africaine, on mettra la bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, et sans plus attendre, on retrouve la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Le vélo est-il une religion? Eh bien, c'est quelque chose dont les cyclistes entre eux conviennent généralement. Cela prend tout leur dimanche et pour les plus dévots, cela empiète aussi largement sur la semaine. Soit qu'ils se rendent au vélo, à vélo au travail, soit qu'ils aient investi dans ces sortes de prie-dieux inconfortables que sont les vélos d'appartement ou les home trainers placés pour les plus radicalisés d'entre eux devant l'alcôve d'une télévision qui diffuse leurs courses virtuelles en simultané. Et puis il y a aussi quantité de pratiques qui interrogent dans le vélo, des pratiques proches de celles de la dévotion populaire et du culte des saints. Il est par exemple indiqué, quand on entreprend l'ascension du Ventoux, de déposer un gant sur la petite stèle qui commémore l'endroit où mourut Tom Simpson le 13 juillet 1967, comme il a été longtemps possible de s'offrir une sortie avec poulie d'or, de s'acheter une réplique des lunettes de Greg Lemon ou le maillot dédicacé de Laurent Fignon. Et les cyclistes, solaires et passionnés le jour, se repassent la nuit de sombres documentaires sur le martyr de Marco Pantani et gardent au fond de leur cœur un peu de pitié malgré tout pour le grand Lance Armstrong et d'admiration ambiguë pour les chevauchés problématiques du train de l'US Postal. On ne peut pas déterminer cependant la religiosité d'une activité à sa seule observance sans s'intéresser aussi à son contenu spirituel. Vous voulez dire que le cyclisme a un contenu spirituel ? Bah, pas vraiment, de prime abord. Comme tous les sports, sa pratique assidue rend un peu idiot, hébété et monomaniaque. Sauf que cet état est entrecoupé d'éclats de pure grâce. Il y a toujours un moment dans la pratique cycliste de joie totale, injustifiée et extatique. Les esprits forts parlent de pics hormonaux. C'est une vision un peu réductionniste des choses. Des pics hormonaux, pourquoi pas? Mais ce n'est pas exactement cela que l'on ressent quand on est anormalement heureux à mi-pente ou au kilomètre 100, quelque part au milieu du paysage. La sensation d'enveloppement excède un peu les catégories ordinaires de la joie. On frôle l'extase injustifiée. Donc, admettons qu'il y ait une sorte de mystique du vélo, avec quoi est-ce qu'on communiquerait alors dans cette mystique? Bah, avec l'espace, sans doute, car c'est lui en premier lieu qu'on explore et qui se dévoile. On est au-delà de la marche, comme transporté en lévitation. En réalité, c'est la sensation qui ressemble le plus à ce vieux rêve humain qui consiste à voler, rêve que l'aéronautique a plutôt trahi qu'exaucé, et que le cyclisme permet seul d'à peu près accomplir. Un faux plat ou le vent dans le dos, les villages qui défilent, les flèches de la cathédrale de Chartres qui coulissent sur l'horizon, le cycliste, bienheureux parmi les hommes, ange de lycra aux fesses rembourrées, aura parfois des sensations angéliques. L'objet de la sortie, d'ailleurs, depuis 10 ans que je pratique, a toujours été, sans que la chose ait été directement formulée comme telle, d'aboutir, après 100 ou 200 km d'effort, à un selfie commémoratif, la tête stupidement passée dans le tympan d'une cathédrale. Ou bien de me recueillir pendant un court ravitaillement devant les tombes abandonnées d'un petit cimetière, car c'est ici-bas les seuls endroits où on est toujours assuré de trouver de l'eau fraîche. Seul vivant alors à des kilomètres et des siècles à la ronde, on mesure la chance inespérée qu'on a d'être là et d'être tombé dans la main bienveillante d'un paysage secrètement mécanisé qui saura nous ramener chez nous avant la nuit. Donc le vélo, ce serait une sorte de culte rendu à la géographie. Bien sûr, sauf qu'on n'oubliera pas au dernier panneau d'entrée de ville croisée de lever les bras, comme on l'a vu faire si souvent à la télé, ou à chaque croisement devant ces crucifix qui bordent les routes des campagnes, comme les stèles d'une religion devenue indéchiffrable, mais qui pourrait être une assez bonne préfiguration de ce que serait la religion cycliste de demain, une religion de souffrance et de ravissement, d'humilité et de résurrection. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malanda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Sofiane Aktib. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour du thème « S'affranchir ». Demain, nous serons en compagnie de Claudine Reynaud pour une émission autour du roman « Beloved » de Toni Morrison. On se demandera comment vivre avec les fantômes de l'esclavage. Question qui est posée par ce roman. Donc, restez à l'écoute sur France Culture, hein, programmation spéciale mémoire de l'esclavage. Par exemple, aujourd'hui à 17h, la série documentaire LSD vous propose un documentaire donc sur les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.